Et ça, c'est assez recherché parce que c'est quelque chose qui permet de montrer qu'on a un enseignement, une expérience d'enseignement. Si je ne me trompe pas, ça n'existe plus. Mais il me semble que moi, c'est dans les contrats doctoraux que l'on a à la fois un financement et une charge de cours, pas obligatoire et pas forcément sur les 3 années de financement. Depuis 3 ans, je crois. Alors... il me semble qu'on ne parle plus d'un locataire moniteur. Le locataire est devenu, il y avait plusieurs systèmes d'allocation, ils ont tout regroupé dans ce qui s'appelle le CDU, le contrat doctoral unique. Voilà. Ouais. Et les moniteurs, le système des monitorats a changé de nom, c'est devenu doctorant contractuel enseignant. Et donc on a des charges, il y a 3 types de charges, il y a la charge d'enseignant, la charge de conseil et la 3e charge que j'ai oubliée. Mais grosso modo, c'est les mêmes tarifs et c'est les mêmes obligations, mais juste les noms ont changé. C'est les CDU. C'est pareil, c'est juste que les noms ont changé. Ouais. Peut-être un peu pareil. Bon, ce qu'il faut noter quand même, c'est effectivement l'intérêt. Je pense, là on sera à peu près d'accord, l'intérêt de pouvoir montrer une expérience d'enseignement pour recruter, enfin pour rassurer les recruteurs potentiels, mais là j'y reviendrai un peu plus tard. L'autre question c'était sur... Mais c'était la plus intéressante, ça n'existe plus. Si, ça existe, mais sous un autre nom. Un autre acronyme. Dans l'université ou en professeur doctorat. Oui, alors généralement je crois qu'on peut plutôt, c'est plutôt avant de commencer sa thèse, qu'on postule à ce genre de choses. Un deuxième acronyme que vous voulez dire. ATER existe bien sûr. Attaché temporaire d'enseignement et recherche. C'est un poste qui permet d'avoir de l'argent pendant 1 an ou plus, moyennant une charge de cours à l'université. Charge de cours qui est égale, si j'ai bonne mémoire, à la moitié d'un service de maître de conférence, ça n'a pas changé. Vous pouvez être à terre 2 ans et plus, voire plus, sur certaines conditions, si vous êtes lauréat de certains concours. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir un financement et aussi de pouvoir tout simplement avoir un financement pendant 1 année. Donc, voilà. Et ça, si je peux me parler, je suis désolée, ça on postule dans différentes universités, pas seulement celle où l'on fait son doctorat. Et en général, c'est entre les mois de février et mai que les campagnes d'ATER sont ouvertes, on ne peut y postuler qu'à partir de la 3e année de doctorat. C'est-à-dire que c'est censé être un poste que l'on a uniquement en fin de thèse. Moi, ça, j'avais prévu une petite partie sur le devenir professionnel dans laquelle j'évoquais les différentes possibilités provisoires, mais c'était bon, je après l'étape. Et sinon, ATER, puisqu'on a déjà... juste pour terminer là-dessus, les ATER sont centralisés sur Galaxy, donc le grand portail des recrutements de l'enseignement supérieur. Vous aurez fini votre thèse, le CNU et le professorat. Pour achever le chapitre à terre, en fait, il ne faut pas hésiter à faire des dossiers partout, en quantité énorme. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque où je voyais la thèse, j'envoyais 50, 60, 70 dossiers dans toutes les universités françaises de Navarre, avec l'idée que généralement, c'est les candidats du CRU qui sont recrutés, c'est les gens qui sont dans les petits papiers d'un directeur. Donc, il peut y avoir une coïncidence qui fait que, par hasard, ils se retrouvent démunis, et là, ils vont piocher un dossier qu'ils ont reçu, qui ne sont pas spécialement appuyés. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à arroser largement pour toutes les candidatures. Ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai, c'est toujours essayer de se garantir, de se laisser le plus de portes ouvertes à tous les moments, même si c'est très chronophage et même si c'est très frustrant de remplir des dossiers à longueur de journée pendant 10 jours, 15 jours, alors qu'on a des choses beaucoup plus importantes, plus intéressantes à faire, il faut passer par là. Alors, l'écriture de la thèse, donc en fait, à chaque fois je fais des points un petit peu élémentaires. Objectif, bien gérer et éviter un excès de travail inutile. L'excès de travail inutile, ça va avoir à faire avec la règle d'or, c'est que en fait, il faut viser dès le début, quand vous écrivez une thèse, il faut viser le format livre. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans une thèse qui fera 700, 800, 900 pages, libre à vous, mais le problème c'est qu'après, généralement le but pour une thèse c'est d'être publié, vous devrez refaire, détricoter ce que vous avez beaucoup de mal à tricoter pour faire 800 pages pour en faire un livre. À moins que votre thèse soit divisée de manière très nette dans des futurs gros livres, enfin futurs livres, je ne sais pas, une partie A, une partie B, qui sont assez individuels et que vous pouvez transformer en livre. Généralement, l'idée c'est quand même de décrire toujours en se disant ça c'est quelque chose que je devrais publier sous forme de livre, et un livre de 800 pages aujourd'hui, de 700 pages, ça fait fuir les éditeurs qui sont déjà bien difficiles à convaincre par ailleurs de publier des thèses ou des livres issus de thèses. Alors ce que je veux dire c'est concernant le comment écrire, je pense que là ma petite expérience m'incite à vous dire de ne pas avoir peur de suivre un itinéraire un peu personnel et de ne pas vous dire forcément il faut que j'ai un plan bien établi et que je commence par le premier chapitre, que j'écris mon premier chapitre en entier, ensuite que je passe au deuxième chapitre, que j'écris mon chapitre en entier, et qu'ensuite j'écris la conclusion et l'introduction. Je suis d'accord qu'il vaut mieux finir par l'introduction et la conclusion pour des raisons de même que les dissertations, c'est-à-dire que vous avez les esprits clairs, vous voyez où vous voulez aller quand vous avez tout rédigé. Et c'est à ce moment-là qu'il convient d'écrire l'introduction et la conclusion. Là, je ne suis pas du tout iconoclaste là-dessus. Par contre, là, je suis un peu plus... j'aurais tendance à vous dire de vous libérer un peu plus. C'est concernant cette règle d'écrire un chapitre après chapitre. Souvent, les gens disent « Ouf, j'ai fini un chapitre. » Bon, moi, j'ai écrit tous mes chapitres en même temps. C'est-à-dire, quand j'en ai marre d'écrire un chapitre, je passais à l'autre chapitre que j'étais en train de faire, etc. Bon, alors, peut-être que ça, je ne sais pas, ce n'est pas une solution forcément idéale, mais en tout cas, ça veut dire que selon votre tournoi d'esprit, selon la façon dont vous aimez travailler, peut-être que votre façon d'aimer travailler ne correspond pas à la norme forcément qu'on imagine, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise solution, puisque j'ai trouvé qu'on avançait aussi bien comme ça, en passant d'un chapitre à l'autre, tant que ça a permis de se délasser, de revenir à un chapitre qu'on a déjà commencé il y a quelques semaines, quelques mois avant, avec un œil neuf, et ça, c'est très précieux, par contre. Que ce soit pour n'importe quoi que vous publiez, il est toujours bon d'avoir un œil neuf sur ce que vous écrivez. C'est-à-dire, quand vous devez écrire un article ou un chapitre dans un délai donné, vous commencez le plus tôt possible pour laisser, dans certaines périodes, reposer les choses que vous avez écrites pour pouvoir les reprendre après 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois. Et là, vous voyez les choses claires. Vous voyez votre travail avec un œil, l'œil d'un correcteur, l'œil d'un critique, et vous voyez tout de suite ce qui est beaucoup mieux, ce qui ne va pas, que si vous êtes tombé dans le guidon, on est dans le guidon. Donc voilà, un conseil que vous donner, c'est de vous laisser la possibilité d'avoir du recul sur votre propre travail, ce qui nécessite une certaine organisation quand même, mais donc le corps est là, n'ayez pas peur de rédiger plusieurs trucs en même temps. Ensuite, publier des articles qui peuvent donner un chapitre de thèse. Là, c'est un petit peu de la stratégie. On vous a dit qu'il faut à la fois être un publiant, montrer qu'on est un chercheur potentiel, en devenir en publiant des articles, en commençant à se faire connaître. Il y a des moyens un peu rusés de faire ça, c'est de faire des articles que vous pensez en tant que chapitre de thèse. C'est-à-dire que d'habitude, on fait plutôt le contraire. Les doctorants écrivent une thèse, la thèse est soutenue, et ensuite, ils envoient bien vite aux revues des chapitres, qui sont visiblement, parfois d'ailleurs, encore trop de chapitres de thèse, en espérant que ce sera publié comme des articles. Je pense que là, on peut faire l'inverse aussi, avec un grand profit. C'est-à-dire que vous écrivez un article, vous l'en soumettez à la revue vous donne des critiques, vous avez des choses comme ça, l'article est publié éventuellement, et ça, après, vous avez quelque chose que vous pouvez réutiliser dans la thèse, en gagnant du temps et en ayant déjà une publication. Donc c'est assez bien joué. Tous les chapitres ne s'y prêtent pas. Certains chapitres qui sont un peu monographiques, qui ont un petit peu une existence un petit peu autonome dans votre thèse, peuvent permettre de se livrer à cet exercice. Donc c'est quelque chose que moi je fais dans la thèse, je publie des articles avant de soutenir la thèse, qui sont devenus des chapitres de thèse. Alors après, l'embêtant, c'est que c'est un peu embêtant si vous voulez publier dans une langue qui n'est pas le français, c'est un peu compliqué d'écrire en anglais, par exemple, après de devoir travailler en français, c'est pas génial, faites-le plutôt pour les revues, les articles que vous lisez en français, d'accord ? Ça vous évite de perte de travail. Et c'est très difficile de traduire un article, quelque chose qui est déjà écrit en français, en anglais. C'est beaucoup plus facile d'écrire directement en anglais, sinon ça sent vraiment le texte français, on est prisonnier de son texte français quand on écrit dans ce sens. Quand commencer, je dirais, là encore une fois, peut-être pour briser un peu un tabou, ça vient de grand mot, mais je dirais que vous pouvez commencer le plus tôt possible à rédiger des petits bouts de texte. Ça a des avantages, ça vous rassure déjà sur votre capacité à écrire, ça vous fait gagner du temps. Et encore une fois, c'est même la théorie du repos, de laisser reposer, s'applique. Alors que vous avez écrit des bouts de thèse sur lesquels vous sentez que vous avez déjà beaucoup de matière, ça peut être en deuxième année, vous pouvez commencer relativement tôt, et après vous la reprenez, et éventuellement vous vous rendez compte que ça n'a pas vous écrivez un bout qui va falloir l'éclater entre deux morceaux de votre thèse, de partie de votre thèse, c'est pas grave, vous l'avez déjà écrit, il est déjà là. Donc ça, c'est une bonne manière d'étaler un peu cet effort de rédaction. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez attendre forcément la quatrième année, quand vous avez le plan tout bien clair, que alors là, vous allez vous mettre à écrire. D'accord ? Vous pouvez commencer à écrire des petits bouts à droite à gauche, en vue d'un article, même en vue de la rédaction finale de la thèse. La règle d'or, parce qu'à chaque fois, je finirai les petites vignettes là, par une règle d'or, c'est de ne pas faire trop long. D'accord ? Ne tombez pas dans le piège de la thèse interminable, c'est doublement pénalisant le livre à venir, et aussi ça risque de repousser un peu trop loin la date de soutenance, et c'est surtout c'est un travail qui peut s'enliser beaucoup plus rapidement. Donc, avoir cette règle d'or en tête dès le début. Alors, un impératif durant la thèse sur lequel il faut malheureusement insister, la tour d'ivoire, hein, c'est une époque assez révolue pour les thésards, il faut se faire connaître le plus tôt possible. Et ça, ce qu'il faut bien avoir en thèse, c'est cette idée que même si vous faites une excellente thèse, même si vous publiez des excellents articles, il faut faire l'effort de les faire connaître de manière active. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à envoyer les choses que vous avez publiées à quelqu'un dont vous pensez qu'il sera intéressé. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole dans des colloques. Il ne faut pas hésiter à aller voir les gens à la fin d'un séminaire pour leur parler de votre travail. Il ne faut pas hésiter, dans un colloque, à aller rencontrer les gens pour leur parler de ce que vous faites, etc. Il ne faut pas vous imaginer simplement que parce que vous faites quelque chose de très bien, les gens vont s'intéresser à vous. La réalité, c'est que le chercheur a très peu de temps à consacrer à la lecture de nouveaux chercheurs qu'il ne connaît pas, donc il ne connaît pas la valeur, donc souvent il n'est pas persuadé de l'intérêt des recherches. Donc en fait, il faut un peu forcer la main aux gens, d'accord ? Ça, c'est quelque chose, il faut vaincre sa timidité, si timidité il y a, pour ne pas hésiter à mettre un peu le pied dans la porte, éventuellement. On peut employer une métaphore un peu plus radicale. Donc voilà, alors, publication, évidemment, publier des articles, publier des livres, si vous pouvez, si vous publiez des chapitres de livres, etc. Séminaires, blogs, colloques, prix et distinctions. Alors, encore une fois, là, ça me ramène à ma règle d'or, parce que j'ai constaté, je pense que un des pires défauts que peuvent avoir des jeunes chercheurs, c'est d'être trop modeste. Parce que déjà, c'est pas facile de faire son trou, de se faire connaître, etc. Alors, si en plus vous vous auto-censurez, parce que vous vous dites non, j'ai pas forcément le niveau, non, ce que je fais, peut-être c'est pas encore assez bien, je vais pas. Malheureusement, je connais des gens qui sont en cours de recherche, je sais qu'ils font des choses excellentes et qui s'auto-censurent encore parce qu'ils ont l'impression de ne pas être encore au niveau. Alors pour savoir si vous êtes au niveau ou pas au niveau, il n'y a qu'une solution, c'est de vous confronter à ce niveau en demandant à des revues de publier des articles, à envoyer des choses, à parler avec des gens, etc. Donc la rubrique prix et distinction est une excellente illustration de ce point. Ça ne coûte rien de candidater à des prix, ça ne coûte rien d'envoyer des articles quand on va chercher pour un prix, ça ne vous coûte rien. Si vous l'avez, c'est formidable, ça fait une ligne de plus sur votre télé, ça vous fait un petit peu connaître. Si vous n'avez pas, ben c'est pas grave. Et même, c'est mieux que de ne pas avoir candidaté, parce que pendant que vous avez fait cette candidature à un prix, eh bien, vous avez envoyé un papier, des gens ont lu ce papier, et peut-être que vous étiez très bon, mais qu'il y avait quand même quelqu'un encore meilleur, ou alors peut-être que le jury avait décidé de je sais pas, les raisons sont bonnes ou mauvaises, de classer quelqu'un en numéro 1, quelqu'un en numéro 2, quelqu'un en numéro 3. Hein. Et donc, ça taper dans l'œil de quelqu'un, ce que vous avez écrit, bien souvent, le résultat le plus dur à avoir, c'est que quelqu'un qui est dans la place, un chercheur confirmé, prenne le temps de lire ce que vous écrivez. C'est pas si facile que ça. Faut pas croire que ça arrive tout seul. Il faut trouver tous les moyens de faire en sorte que ça se produise, que les gens connaissent votre travail, qu'ils soient familiers avec ce que vous faites, qu'ils connaissent votre nom. Alors, une autre manière de se faire connaître, c'est de participer à des projets de recherche collectif, également des réseaux de recherche sur Internet. Ça, c'est des choses qui prolifère, on peut changer des idées, changer des informations, poser des questions, c'est toujours une excellente manière aussi, poser des questions. Quand vous contactez les gens, n'hésitez pas à dire que vous avez écrit, que vous avez lu leur travail, que vous avez aimé leur travail, de bien parler de tel article, etc. Ça fait toujours plaisir, et en même temps, c'est une excellente entrée en la matière pour connaître quelqu'un. D'autre part, il y a ce que j'ai appelé la socialisation plus informelle, c'est-à-dire dans votre laboratoire, dans vos équipes de recherche, il faut connaître... apprendre à connaître les gens, aller les rencontrer, ne pas zapper les moments de sociabilité qui sont proposés dans tel ou tel cadre. Ça permet de rencontrer des gens dans un cadre plus décontracté, ça vous permet d'apprendre des tas de choses. Et ces conversations, souvent, c'est un peu paradoxal, mais souvent les gens sont plus libérés, disent des choses plus librement, plus intéressantes pour vous, dans un cadre de socialisation plus informel, plutôt que dans un cadre plus strictement académique, plus encadré. Donc c'est quelque chose de profitable, et agréable aussi de socialiser. Puis souvent, il y a des gens très bien, très intelligents, avec lesquels il est très agréable de rentrer en contact. Et pensez à une chose aussi, on invite à des colloques, à des gens souvent qu'on connaît un petit peu, parce que pas seulement parce qu'on les trouve bons, mais aussi parce qu'on les a trouvés sympas. parce qu'on les, on voit bien que c'est pas des, on n'est pas des psychopathes, et que donc on va faire quelque chose d'agréable. Quand on invite des gens pour un colloque, on passe aussi un moment ensemble, un moment dans une ville, un moment où il y aura des pots entre les sessions, là il y aura des invitations. On a envie d'inviter des gens sympas, et éventuellement des gens qu'on connaît déjà. Pas seulement des gens dont on a vu 4 articles partout dans toutes les revues. Ça marche pas de manière aussi carrée qu'on veut bien le croire. Donc ma règle d'or, et là j'insiste en particulier, c'est triste de devoir faire des choses si schématiques, mais j'ai remarqué quand même que l'excès de modestie est plus répandu chez les femmes que chez les hommes. Alors je tiens à dire qu'il ne faut pas être modeste quand on est un homme comme une femme. C'est souvent la tendance à l'excès de modestie est quand même plus répandue dans la gente féminine, à mon avis. Donc soyez bien persuadés que vous valez beaucoup. Alors la soutenance, donc là c'est pas des considérations du tout théoriques, ce sont des considérations purement pragmatiques. C'est un moment clé stratégique pour l'avenir du doctorant qu'il devra préparer avec soin. C'est un moment clé, mais en même temps ce que je dis, c'est à relativiser. Si vous avez fait une excellente thèse, vous avez rendu une excellente thèse sur le papier, votre avenir ne se jouera pas le jour de la soutenance. La thèse est bonne, ce qui en restera, c'est le papier, enfin c'est la version écrite. Donc même si vous n'en tirez pas super bien sur les questions, même si vous êtes un petit peu impressionné par l'enjeu, l'essentiel, c'est quand même ce qui restera sous forme papier, et les rapports de thèse qu'on va vous faire, et ce qui seront basés largement quand même sur le papier. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, dire que c'est juste une formalité, que ce n'est pas important, ça veut dire que ce n'est quand même pas si crucial que ça. Il faut que ça se passe bien, mais si ça ne se passe pas aussi bien que vous auriez aimé, ce n'est pas si grave que ça. Donc néanmoins, pour que ça se passe bien, il faut préparer ça avec soin. Alors je reviens sur le choix de la date, mais ça je pense qu'on vous aura déjà sensibilisé au calendrier, si vous voulez candidater à certains postes, comme des postes de maître de conférence, des postes de chargé de recherche au CNRS, il vaut mieux soutenir au mois de décembre, avant le 15 décembre, afin de pouvoir candidater dans la foulée immédiatement dans ces différents postes. Même bien avant ça. Soutenir. Ah ouais, parce que les CNU, ça clôture le 19 décembre. Donc pour avoir un rapport entre le 15 et le 19. Je crois que cette année, la date limite, c'est le 6. C'est du 25 novembre au 19 décembre. Et le CNRS, c'est la date de soutenance, de soutenance, c'est indiqué aussi sur Galaxy. Il me semble que c'est le 6. D'accord, c'est sitôt que ça. On a toujours un mois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des phénomènes d'embouteillage qui se produisent. Parce que tout le monde veut soutenir au même moment. Au moment stratégique pour pouvoir candidater à ces trucs-là. Donc le mieux, c'est d'éviter ces moments d'embouteillage, parce que vous aurez moins de mal à avoir une salle, vous aurez moins de mal à constituer un jury, vous aurez moins de mal pour plein de choses. Donc renseignez-vous, parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, ça a un rapport avec ce que j'ai fait, moi j'ai soutenu ma thèse il y a déjà quelques années, huit ans presque déjà. Donc voilà, éviter les dates d'embouteillage pour toutes ces raisons. Deuxième chose, dédramatiser la chose, j'ai déjà parlé. Constitution du jury, super important. Il faut que le jury soit constitué de gens qui soient des autorités dans la matière, qui soient des gens qui puissent vous aider par la suite, et des gens qui ne soient pas... il ne faut pas qu'il y ait d'incompatibilité, d'humeur avec votre directeur de thèse fondamental. Mais généralement, c'est lui-même qui fera attention à ce qu'il n'y ait pas de... Il y a les associations qui font le boom. Mais ça, c'est votre directeur qui peut déminer le terrain. C'est pas forcément vous qui êtes très au courant. C'est bien d'avoir un jury un petit peu international, quand même. Enfin, ça dépend peut-être des domaines de spécialité. Je généralise peut-être un peu trop. Mais bon, par rapport à ma spécialité, histoire de la Chine, c'est quand même pas mal de ne pas avoir un jury 100% français. Apparemment, en sociologie, c'est peut-être un petit peu moins grave. Ça dépend des disciplines. Mais là, encore une fois, là, je dégaine ma règle d'or, c'est utiliser son directeur de thèse. Parce que le directeur de thèse, on va peut-être souvent lui reprocher de ne pas être assez présent, de ne pas répondre forcément tout de suite aux mails, de ne pas être toujours aussi disponible qu'on voudrait. C'est un fait que peut-être un directeur de thèse n'est pas toujours aussi disponible qu'on le voudrait. Mais imaginez la vie d'un directeur de thèse, je pense que c'est des gens qui sont extraordinairement occupés, c'est pas facile aussi pour d'être toujours disponible. Donc, il ne répondra pas toujours aussi vite que vous voulez. Il ne sera pas toujours aussi disponible que vous voulez, etc. Les rendez-vous ne seront peut-être pas aussi longs que vous voulez. Mais il y a un moment où il ne faut pas hésiter à l'utiliser beaucoup et à le solliciter beaucoup, c'est le moment de la thèse. Parce que c'est là qu'il joue vraiment un rôle crucial. Parce que la constitution du jury, c'est très important et c'est son rayon. Et les questions de la date, etc., tout ça, c'est des choses, c'est lui qui les règle. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le déléguer, ça. Vous pouvez pratiquement. Il y a des gens très forts qui ont fait des thèses. Je donne, c'est toujours l'anecdote que j'aime bien. Georges Duby, quand même pas le dernier des imbéciles, raconte dans un petit livre qui s'appelle. D'Ego Histoire, il s'appelle L'Histoire continue. Tout petit livre, délicieusement écrit, qui raconte comment se passaient ces entretiens avec son directeur de thèse. Relativement connu des médiévistes, mais qui n'a pas du tout atteint les sommets qu'il a atteints dans sa thèse. Et voilà comment ça se passait. Une fois par an, il allait voir ce monsieur chez lui, il serrait la main, commençait à parler. Le directeur de thèse parlait de la guerre de 14-18 pendant 2 heures. Fin de 2 heures, il se levait, il serrait la main sur le temps et il disait, au fait, votre thèse, ça avance, monsieur, ça avance, parfait, à l'année prochaine. Bon, vous voyez, c'est un exemple un peu extrême pour vous dire qu'on peut réussir une thèse en n'étant pas avec un directeur de thèse omniprésent derrière vous qui vous pousse derrière. La même chose qu'il faut, vous savez bien conscient, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en thèse depuis 1 mois et demi, 2 mois, généralement, vous en savez plus sur votre sujet que votre directeur de thèse. Fatalement. Si vous avez un sujet original, un sujet neuf, un sujet nouveau, le directeur de thèse, il a identifié le sujet, et à partir du moment où vous commencez à travailler dessus, à faire des recherches, vraiment, vous devenez très vite le spécialiste sur la question. Donc, le directeur de thèse peut vous aider, mais c'est pas la panacée. Par contre, donc, voilà, on peut s'accommoder d'un directeur de thèse pas omniprésent, par contre, au moment de la thèse, là, il faut l'utiliser et ne pas hésiter à solliciter beaucoup, parce que là, il est vraiment extrêmement nécessaire. Constitution du jury, choix de la date, préparation de la présentation orale aussi, ça c'est très important quand même. Pour réussir une préparation orale, surtout si vous n'avez pas été très entraîné dans ces espèces de gigantesques machines à préparer les candidats qui sont à l'agrégation, un truc comme ça, vous n'êtes pas passé par ces cases-là, il faut préparer votre intervention orale de la manière la plus scolaire qui soit, c'est-à-dire vous la lisez pas une fois, vous la lisez pas 10 fois, vous la lisez 20 fois, alors vous la relisez, vous la connaissez presque par cœur, d'accord, ça va couler, vous n'allez pas regarder votre texte, etc. Donc ça prend du temps, il faut investir un peu de temps au moment de la préparation orale pour être sûr d'avoir un débit parfait. Et après, vous aurez fait un bon exposé, vous serez mieux disposé pour les questions. Les questions, on ne peut pas les anticiper, hein, à moins de... Bon, c'est pas mal de savoir bien qu'est-ce que chacun a comme domaine de spécialité dans votre jury, parce que vous allez voir que généralement, Monsieur Machin, un spécialiste du domaine A, il va trouver que votre thèse est très bien, mais que quand même on aurait pu insister davantage sur le domaine A, etc., etc. Donc, il vaut mieux que vous soyez un petit peu armé sur le domaine A, d'accord ? Et pareil pour Monsieur, l'autre membre du jury, Madame, qui est spécialiste du domaine B. Il vaut mieux un petit peu connaître quels sont leurs dadas pour anticiper les questions. Donc, de ce point de vue-là, vous les connaissez principalement. Si c'est des gens qui sont dans votre jury thèse, c'est des gens qui connaissent votre sujet, qui sont dans un domaine de recherche proche. Ça ne va pas faire un gros travail, mais quand même, faites-y attention. Faites attention aux pré-rapports aussi. Dans les pré-rapports, on vous tend des perches. Hein. On vous dit, là, il y a un problème. Il est évident, quasi évident, qu'on va y revenir au niveau des questions s'il y a une faiblesse manifeste. Donc, il faut que vous soyez armé pour répondre aux questions concernant les faiblesses qui ont été pointées dans les rapports de préférence. D'accord ? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être bien vigilant. Concernant la préparation orale, après, ça dépend des disciplines aussi. Encore une fois, je ne vais pas broder sur mon cas personnel, mais généralement, il est bon de vous présenter un PowerPoint, c'est plus clair, etc. Et n'hésitez pas aussi à visiter à l'avance le lieu où vous allez soutenir. C'est une bonne politique de connaître l'endroit, de voir comment les choses vont s'organiser, là où est-ce que vous allez mettre votre ordinateur, où est-ce que vous allez projeter, etc., etc. Enfin, dernier élément, mais c'est d'un niveau vraiment ras des pâquerettes comme conseil, mais c'est déléguer l'intendance le jour du cours. Vous devez vous occuper de rien d'autre que de votre l'aspect scientifique de la journée. C'est-à-dire, c'est votre copine, votre copain, ou votre famille, etc., qui doit s'occuper du pot. C'est eux qui doivent penser à sortir une demi-heure avant la fin pour aller commencer à préparer le pot, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous soyez complètement débarrassé de ces préoccupations, que vous ayez des gens de confiance qui s'occupent de ça pour vous, d'accord ? Qui va aller chercher, qui va attendre le traiteur, qui va s'occuper de ci, de ça, d'accord ? Donc, de ce point de vue-là, faites-y bien attention, parce que ça se bouscule quand même. Au moment de la soutenance, il y a quand même pas mal de trucs qui viennent en même temps. Il y a donc la soutenance proprement dite, il y a généralement des candidatures, il faut parfois faire des dossiers de post-doc au même moment, il peut y avoir des tas de problèmes dans mon personnel ou je ne sais pas quoi. Donc, pendant votre thèse, j'ai des jours avant la soutenance, vous avez le droit d'être casse-pied. Vous avez votre entourage, il y a un droit spécial, vous avez le droit d'être super chiant pour les gens qui sont autour de vous pour que ça se fasse bien. Et les gens le comprennent, parce que sous le nom de thèse, on n'arrive qu'une fois dans la vie. Et à mon avis, c'est rentable pour tout le monde, pour eux, comme vous. Alors, donc ça, j'en ai déjà parlé. Je vais poser quelques questions sur, la partie où vous dites, enfin, vous parlez des activités périphériques à la thèse, c'est-à-dire tout postuler, écrire, etc., plus le travail de rédaction. Au total, je voudrais savoir combien vous consacriez à l'activité de thèse, c'est-à-dire la part écrite et la part extra corollaire à la rédaction. C'est très très très difficile de quantifier et je pense qu'en plus il n'y a pas de règle d'or. Moi, la plus grosse partie du temps doit rester, à mon avis, quand même consacrée à la thèse et à la rédaction. Que, bon, généralement, on a des activités déjà plus ou moins professionnelles, le travail de rédaction, enfin déjà de recherche, de rédaction, etc., prend du temps. Moi, personnellement, j'ai absolument pas le temps de faire de la prospection au niveau des revues, articles, etc. Là, je vois déjà, je suis en train de préparer une conférence, ça me prend un temps infini, donc je ne me mets absolument pas sur la thèse. Et voilà. Ou alors, il faut que je travaille 24 heures sur 24 heures. Ah non, mais la solution, c'est de travailler 28 heures sur 24 heures. D'accord. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Oui, il n'y a pas de... Malheureusement, et puis après la thèse, de toute manière, je vous rassure, ça s'empire. Donc, ça, le rythme. Non, mais après, si vous avez une vie professionnelle complètement indépendante de la thèse, c'est pas facile du tout de concilier ça avec la thèse, effectivement. Donc, il faut travailler le plus possible. Non, mais à peu près pour nous encourager, parce que je trouve ça c'est. Enfin, bon, j'ai déjà une expérience universitaire par passé, mais c'est vrai qu'on avait des professeurs quand même qui bon, pour donner l'exemple, je travaillais à l'époque 40 heures par semaine et en plus je préparais mes diplômes universitaires et on avait des professeurs qui nous disaient bah évidemment si vous prenez une demi-heure pour manger vous n'y arriverez jamais et je trouve que c'était un bon entraînement, en tout cas c'était un bon support psychologique parce que ça nous boostait et c'est vrai que bon, bah, effectivement on travaillait 18 ou 19 heures par jour. Mais donc c'est quelque chose que ça nous permet de voir des comparaisons un peu au niveau de l'investissement qu'on peut attendre personnel si vous aussi vous travaillez 20 heures par semaine. C'est un vrai plaisir d'entendre. Non, bah, ça, je travaillais beaucoup, mais alors bon, j'avais le luxe de pouvoir me consacrer qu'à ma thèse et aux cours de l'université à donner. Donc, je ne sais pas comment je travaille, mais j'avais quand même. Je pense qu'il faut avoir. Pas culpabiliser si vous avez une activité qui permet de vous vider la tête et qui vous prend une après-midi par semaine et que ça vous fait. Ça vous fera du bien. Vous serez beaucoup plus productif si vous travaillez tout le reste du temps bien et que vous êtes conservé cette fenêtre, cette espèce de soupape de sécurité. Et que quand vous êtes sorti de votre match de foot ou de je ne sais pas quoi, que vous aimez bien faire et qui vous fait du bien, qu'après vous remettez dans la thèse, à mon avis, vous êtes largement gagnant par rapport à celui qui ne va pas du tout décrocher bon, toute la semaine. Donc ne pas culpabiliser si vous avez une petite soupape de sécurité comme ça. Mais après, c'est vrai que bon, bah, pour faire une bonne thèse, il vaut mieux travailler le plus possible. Malheureusement, il n'y a pas donné des quantités. Pour moi, c'est plus une question de rythme en fait. Il faut continuer à avancer, il faut avancer tout le temps quoi qu'il arrive. Donc il faut à la fois travailler beaucoup et travailler sur la longueur, c'est toute la difficulté, tout en se ménageant des espaces de pause quoi. Parce que 19 heures par jour, c'est pas la peine. Moi je tiens 2 mois et puis après, je sais pas, je me fais moine bouddhiste ou un truc comme ça. C'est pas possible, c'est pas quotidien. Enfin, moi je suis incapable de tenir ça. Mais puis sur une journée, c'est pas toujours les mêmes tâches qu'on fait. Donc si on a déjà varier, ça c'est une bonne stratégie. Ouais, il faut varier. Et quand on en a marre, et ben on repart à faire des appels d'offres parce que son texte nous sort par les trous de nez. Ou on repart sur ses entretiens si on fait des entretiens. C'est très difficilement quantifiable quoi. Mais enfin, il y a ce petit truc que dit Baker aussi tout le temps, c'est 2 pages par jour, quoi qu'il arrive. 2 pages par jour. Oui, c'est peut-être moins une journée qu'une avancée. Ça, c'est peut-être un bon point. Enfin, moi, j'ai jamais fait. Hein. Mais 2 pages par jour plutôt que 5 heures par jour. une petite lecture par jour, enfin, je ne sais pas, peut-être une question d'avancée du travail plus que de durée. Après, moi, je crois que c'est une question d'équilibre. À titre personnel, j'ai une énorme activité professionnelle en bonne partie déconnectée de ma thèse. Je vais faire ma thèse en 8 ans. Voilà. Et en même temps, à certains moments, j'ai vu des doctorants qui avaient des allocations, qui avaient le moyen de se consacrer exclusivement à l'activité de recherche, c'est-à-dire pas seulement la thèse, mais aussi l'enseignement, etc. Et qui, par moments, ont vécu des moments beaucoup plus difficiles que moi. Parce que je pense aussi que l'identité qu'on a dans des activités professionnelles autres, qui sont aussi des lieux d'épanouissement et des lieux où on ne se réduit pas à sa thèse qui va mal, ça peut aussi être formidable, extrêmement porteur, extrêmement dynamisant. Faire des conférences, bah, c'est aussi une façon de se préparer à d'être dans cette professionnalisation dont parlait Sébastien, que la conférence soit directement sur le sujet de thèse ou pas. Donc il y a aussi des choses qui vont confluer, pas forcément consciemment, mais qui peuvent aussi, enfin voilà, il y a autant de chemins de thèse que de personnes. Ce qui compte, je crois, c'est d'y trouver son compte aussi. Voilà. D'être quand même heureux quand on le fait. C'est la quatrième année que je commence à me poser des questions parce que justement, j'arrive pas à appliquer 15 heures par jour. Oui, ben, moi c'était pareil. Voilà. 15 heures par jour tout au long de la thèse, il y a 10 jours que du terrain. Là, c'est vrai que la fin est particulièrement soutenue, mais c'est normal aussi. Hein, il faut. Encore une fois, il y a un vrai effort à fournir, je pense. Ça, il ne faut jamais minorer ça. Il ne faut pas mentir et dire, mais non, c'est cool, c'est la prolongation du master et tout. Il y a des journées, c'est très très chargé. Il y a d'autres journées, on en a marre et on part se balader dans la forêt. Et puis on revient et puis ça y est, on a résolu la question qui nous avait pété les plombs. Donc, faut pas, moi je suis d'accord avec Zeb, il ne faut pas se culpabiliser si on prend des loisirs, au contraire. C'est une course de longueur, hein. C'est pas un sprint, une thèse, c'est un marathon, quoi. Il faut tenir 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais c'est une bonne analogie parce que le mur se revient à peu près au même moment. Le marathon, c'est 30, 32, 30 ans, et c'est 42, ouais, c'est le même chose. Au moment où on va devoir rédiger, généralement, le dernier tiers, le dernier quart de la thèse, c'est là où c'est. Deux questions pour la constitution du jury. Est-ce qu'il faut connaître les membres du jury pour leur demander de le composer ou bien c'est exclusivement le directeur de thèse qui va choisir J'ai l'impression que c'est quand même la prérogative du directeur de thèse. Mais on peut suggérer, bien sûr, on peut les suggérer. Mais choses, il faut se faire connaître un peu auprès des différents profs pour leur demander après, ou bien ni vu ni connu, on demande à vous de faire partie de notre jury. Bah, si c'est des gens que vous avez déjà côtoyés, vous pouvez peut-être leur suggérer, effectivement. Il n'y a pas de règle absolue en la matière. Hein. Ça peut être quelqu'un qui. Donc, parmi les membres, il peut y avoir de parfaits inconnus. De vous voulez dire. Hein. Oui. Bon. Ce serait étonnant que ce soit des parfaits inconnus, puisque vous avez travaillé forcément sur des sujets qui sont un peu liés aux vôtres. Ou alors, c'est-à-dire, c'est un parfait inconnu, mais qui est très connu, qui est très célèbre. Ça veut dire combien il en faut 7 ou 8 donc. Entre 3 et 8. Ça dépend des disciplines. 8, ça existe hein. Ah oui, je viens de faire. Ah oui, je fais il y a 15 jours. Ah oui, d'accord. Ça existe. Il vaut mieux les connaître quand même, il y a des gens qui se comportent vraiment comme des salopards dans le jury. Il faut le savoir. J'avais eu des soutenants de thèse comme ça, il y avait 8 personnes. Il vaut mieux prendre ses précautions. Quelqu'un qu'on peut lire et qu'on trouve brillant à l'écrit peut être dans la vie quelqu'un de tout à fait détestable et se comporte extrêmement mal en jury. Donc il ne faut pas hésiter non plus à solliciter son directeur, encore une fois, pour voir la réputation. En effet, il y a des pères incompatibles, il y a aussi des personnalités, il y en a toujours un qui prend le rôle du méchant. Et si c'est un gentil qui prend le rôle du méchant parce qu'il en faut bien dans le film, mais que ça passe. Mais si c'est un vrai méchant dans la vie qui vous cartonne à mesure. Il y a quelque chose de redoutable aussi, c'est les rapports de thèse. Ça, c'est obligé. J'aurais peut-être dû en parler un peu plus. Il ne faut pas que les rapports de thèse soient. Les rapports de thèse, c'est ce que le jury va signer à la fin, qui est un rapport écrit qui doit faire plusieurs pages, peut-être une dizaine de pages, qui va résumer la soutenance. Avec toutes les critiques, les questions, etc. Il faut que le rapport de thèse soit nickel. C'est-à-dire qu'il doit être bien rédigé, il doit être soigneusement mis en page, etc. Et ça, c'est le travail du président du jury. Et il ne faut pas avoir de président de jury, enfin, il faut avoir un président de jury sérieux, quelqu'un qui fera bien le travail de rédaction. Parce que ce truc-là, le rapport de l'ETS, et ça je pense que j'en avais pas une vision aussi claire au moment où j'ai soutenu que maintenant, le rapport de thèse, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus souvent lu que la thèse proprement dite. Oui. Excusez-moi, est-ce que c'est au moment du PV de soutenance de thèse qu'il est prise de oui ou non la décision de publier la thèse, ou est-ce que la décision pèse beaucoup plus dans le monde ça? Généralement, à la fin. Parce que. À l'issue de la délibération, on dit c'est publiable ou pas. Généralement, on dit toujours c'est publiable, même si c'est pas publiable. Ouais, voilà, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément l'idée de publier leur thèse à l'issue de leur soutenance et qui ne sont pas proposés. Via le PV de soutenance, justement, la possibilité de publier la thèse moyennant quelques rectifications. C'est un vœu pieux, hein, vous savez. Ouais. Après, le vrai problème, et j'y reviendrai, c'est de se faire publier et de trouver un éditeur. Ça, après, ce que dit l'éditeur, il ne regardera pas vraiment. Il y a peu de chances qu'il s'intéresse beaucoup à la recommandation de publication ou pas à la fin du rapport. Parce que généralement, si ça tient à peu près à la route, c'est recommandation de publication. C'est pas là, c'est pas une étape très importante. Bon, par contre, si c'est pas recommandé publication, ça veut dire quand même que la thèse n'est pas bonne. Donc, c'est pas une bonne nouvelle si vous avez ce verdict qui tombe. Mais le rapport de soutenance, pourquoi il est important? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps de l'arrêter. Dans la plupart des cas. Non, mais ça tombe. Enfin, les gens, les jurys, les jeunes aujourd'hui, machin. Donc, le rapport de thèse, c'est la façon dont on va se faire une idée de votre travail de thèse. Donc, si jamais que vous avez des gens indélicats qui ont écrit un rapport de thèse bâclé, trop court, avec défaut d'orthographe, avec vos copier-coller qui se voient gros comme le nom de la figure, là, ça vous nuit gravement. Donc, effectivement, là, la théorie, c'est il faut que ce soit des gens qui sont connus pour leur cas. Enfin, il ne faut pas que ce soit des gens qui pourraient nuire ou qui pourraient, par désinvolture, faire des rapports de thèse, des choses comme ça, ou dans une soutenance qui adore casser gratuitement. Ça, il vaut mieux se renseigner, effectivement. Mais c'est connu dans le milieu, là, ça va toujours dans ma théorie. Le directeur de thèse, c'est lui qui connaît, qui sait comment les gens se comportent dans le jury, etc. Et donc, il peut éviter de faire des erreurs de casting trop terribles. Mais le président du jury, c'est pas forcément le directeur de thèse. Pas du tout. Pas jamais le cas. Attendez, il y avait d'abord une question là. Non, c'était juste par curiosité, quand 8 membres du jury, c'est plutôt quand il y a une double inscription dans deux champs de recherche relativement autonomes, j'imagine, quand c'est ce cas-ci. Pour mon cas, enfin, je sais pas, pourquoi. Moi j'ai eu 8 membres, mais c'est l'horreur, je le conseille à personne. La soutenance dure 4 heures, ils sont pas d'accord, il n'y a pas un méchant mais deux. C'est quand même beaucoup 8. Est-ce que c'était mis dans ton cas à la co-tutelle? Oui, il y a une co-tutelle. La co-tutelle, alors déjà, ça fait 4 d'office. Il faut qu'il y ait quand même une certaine parité. Et il y a plein de jeux de composition, on va dire, géopolitique. Quoi. Il faut une parité homme-femme, il faut une parité binationale, il faut des rapporteurs, mais alors les rapporteurs doivent être des gens de rang A, c'est-à-dire pas des maîtres de conf. Ensuite, ceux qu'on a pris comme rapporteurs ne peuvent pas être présidents, ils ne peuvent pas être directeurs. Donc c'est une espèce de chaise musicale et de puzzle pour savoir comment composer le truc. Donc moi, comme j'avais omis ce genre de détails, par exemple, que les maîtres de compte ne pouvaient pas être rapporteurs, et eux non plus ne le savaient pas, et ben, j'aurais envoyé la thèse en disant « faites-moi le rapport », et puis quand ils ont envoyé, on a dit « ah mais non, vous n'êtes pas éligible ». Donc j'ai dû en reprendre d'autres, et c'est de là que j'allais pas leur dire « désolé, vous n'êtes pas dans le jury ». Donc petit à petit, on est une espèce de monstre comme ça, qui s'est de Frankenstein en fait, avec des gens greffés un peu bizarres, mais voilà. Rang A et ni rapporteur ni directeur. Mais souvent, il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. Quand on a tous ces critères-là discriminants, il n'y a pas beaucoup de choix. Est-ce que les pré-rapports vont être aussi beaucoup lus comme le rapport de soutenance, ou c'est juste ça préparation? Je dirais quand même beaucoup moins. C'est quand même le rapport de thèse qui va faire fort. J'ai vu beaucoup de rapports. Enfin, moi, j'avais un pré-rapport qui était écrit par un Allemand qui avait écrit en français. C'était une catastrophe. Donc, non, c'est quand même un état intermédiaire. C'est important pour vous, pour des raisons stratégiques pour la soutenance de thèse, mais ce n'est pas quelque chose qui va poursuivre aussi longuement en mal, si c'est mal fait, que un rapport de thèse. Et on est d'accord qu'un rapport de thèse mal fait, justement, on peut faire un recours. On n'a aucun recours. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des recours théoriques, mais alors, là, ça veut dire que vous mettez le président du jury sur le dos. Ouais, il vaut mieux au maximum anticiper ce problème-là plutôt que vous retrouver avec le problème a posteriori. Donc, c'est quand même quelque chose qui est signé par les membres du jury, donc c'est difficile à attaquer. Hein, et il est établi par le président. Il est rédigé par le président qui finalement fait un. Enfin, peut-être que je généralise à partir de ce que j'ai vu dans ma discipline, mais c'est à partir des rapports qui ont été faits, à partir des pré-rapports, il rédige une synthèse. Mais c'est une bonne chose, peut-être, une bonne idée de vous. Comme c'est une bonne idée de lire, d'aller voir comment les tests sont faits, d'aller voir aussi comment éventuellement les rapports de tests sont faits. Ah oui, il y a un bouquin de Claudine Dardy qui a écrit dans notre bouquin sur le rapport de soutenance. Ouais. Ça s'appelle. C'est instructif. Je ne sais plus, il est dans la bibliothèque du bouquin de son nom, je pense. Mais c'est quelque chose qu'on peut se procurer facilement. Les rapports de tests de M. X ou Mme Y. Est-ce qu'ils sont pas dans les labos, oui, dans les labos, mais en tout cas dans les BU où sont déposées les thèses, moi j'ai jamais vu le rapport de thèse en même temps que la thèse. C'est pas, je ne dirais pas que c'est confidentiel, mais il vaut mieux faire jouer son réseau de relations pour obtenir des rapports de thèse. C'est effectivement pas déposé nulle part à ma connaissance. Ah, si ce n'est le CNU qui les récupère tous, mais qu'est-ce qu'ils en font? Oui, ils font ce qu'ils ne récupèrent pas pour les rendre accessibles. Ouais. Ça ne passe pas si alors, je passe à l'après-thèse, si vous voulez bien. Après, on aura du temps pour les questions à la fin. Donc l'après-thèse, comme j'avais commencé par ça, il est important de transformer assez rapidement sa thèse en livre, sauf évidemment si vous faisiez juste une thèse pour la satisfaction de faire une thèse et que vous n'avez pas forcément l'ambition de devenir maître conférent, de faire une carrière d'enseignant-chercheur. Alors, comment on procède? On procède il y a trois étapes. D'abord, il y a proprement la transformation, disons, concerne l'aspect formel, ce que j'appelle retirer l'échafaudage. C'est-à-dire que dans une thèse, vous êtes obligé de faire preuve d'un certain didactisme, d'insister lourdement généralement sur ce qui a été écrit avant vous, de faire un état des lieux très approfondi de la question, de faire un état des lieux de ce qui a été et des affrontements éventuels sur telle ou telle question, de mettre beaucoup de notes de bas de page. Et bien, ça, c'est des choses que généralement vous allez pouvoir retirer en partie pour un livre. Un livre, une thèse, c'est pas la même chose. Vous avez déjà lu les deux, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus académique, de beaucoup plus scolaire dans une thèse. Il faut rendre un livre qui soit plus fluide, plus léger, plus agréable à lire. Donc, élaguer, retirer l'échafaudage. D'autre part, mais ça, ça paraît évident, mais c'est peut-être pas si évident que ça, c'est tenir compte des remarques et des critiques lors de la soutenance. C'est pas juste de la soutenance, une fois que c'est terminé, il ne faut pas juste refermer le chapitre et passer à autre chose. Il s'est passé des choses pendant la soutenance. On vous a fait des reproches, certains vous avez peut-être trouvé injuste, puis peut-être au bout de quelques semaines, vous allez vous dire bah, en fait, c'est pas si injuste que ça, et il avait peut-être raison de me faire telle ou telle critique sur tel ou tel point. Donc, de cette façon, de manière générale, soyez ouverts aux critiques et tenez en compte lors de la rédaction de la transformation du livre en thèse. Après, le choix d'un éditeur, alors là, on ne peut pas dire grand-chose, généralement c'est plutôt l'éditeur qui vous choisit que vous qui choisissez l'éditeur, il faut quand même dire ce qui est dans la situation actuelle. Ça devient, c'est peut-être une scie, hein, mais ça devient de plus en plus dur d'éditer des thèses parce que ça fait peur aux éditeurs. Le truc des bouquins sortant de sortie de thèse, c'est des choses qui sont généralement bien spécialisées, très spécialisées, des choses qui ne vont pas se vendre très bien, à moins quelques exceptions, quelques thèses sont sur des choses qui sont bien dans l'air du temps. Donc, le problème, ça va plutôt être vous qui allez courir vers les éditeurs pour faire éditer les thèses. Dans ce cas-là, je vous conseille le même, c'est-à-dire essayer de balayer le plus large possible, de passer par les réseaux de relations que vous aurez déjà faits pour essayer d'avoir des gens qui vont vous aider éventuellement à avoir un manuscrit, pas forcément accepté, mais au moins expertisé par quel ou tel éditeur, parce qu'on en est là quand même. Souvent, c'est même difficile d'accepter qu'un éditeur lise votre manuscrit. Donc, comme je dis, choix d'un éditeur, bon, il vaut mieux éviter l'auto-publication, c'est quand même un concept dont vous avez déjà entendu parler, peut-être, c'est-à-dire c'est les éditeurs, souvent les éditeurs en ligne, les éditeurs qui font pas le travail d'éditeur, c'est-à-dire que c'est les imprimeurs, pratiquement. C'est-à-dire que vous faites la mise en page, vous faites la relecture, vous faites la chasse des coquilles, l'éditeur ne fait rien d'autre qu'imprimer, et éventuellement distribuer plus ou moins bien le livre. Donc ça, c'est je ne sais pas, j'ai du mal, si vous me posez la question, est-ce qu'il vaut mieux ne pas publier sa thèse, de publier de cette manière-là, j'aurais du mal à vous répondre, parce que vous voyez, ça fait quand même une très mauvaise impression d'avoir un livre qui a été publié de cette manière. Parce que ces éditeurs-là, ce qu'ils font, ils font de l'argent, et disons qu'ils sélectionnent les livres, ils ne sélectionnent pas en fonction de leur qualité, quoi. Il n'y a pas vraiment de filtre. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose de se précipiter, en tout cas, voilà, on peut dire des choses comme ça, que ce n'est pas une bonne chose, en train de se précipiter. Le premier éditeur pas bon qui va vous publier, il vaut mieux insister davantage pour avoir un éditeur de vraie qualité qui valorisera votre thèse. Sinon, ça vous stigmatise un peu quand vous avez adopté un choix d'éditeur, disons, moyen, voire pas terrible. Alors après, comment identifier un éditeur moyen ou pas terrible? Donc quand vous en serez au niveau d'avoir soutenu la thèse et d'avoir à choisir un éditeur, vous aurez déjà une vue quand même assez générale de la situation. Donc vous verrez assez bien ce qui peut être valable ou pas. Mais là, j'arrive à la règle d'or, c'est la persévérance. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire publier sa thèse et il ne faut pas hésiter à envoyer des livres partout, à réécrire si on vous demande un effort de réécriture. C'est souvent très casse-pied quand on a déjà écrit sa thèse, après on a retransformé son livre en bouquin et après on vous demande des changements importants quand vous envoyez un manuscrit, c'est vraiment très casse-pied, donc il faut vraiment s'y coller et c'est très désagréable, mais là il faut persévérer parce que c'est un enjeu important et c'est pas facile du tout. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre recette que le travail et la persévérance. Alors j'en viens au devenir professionnel. Donc j'ai trouvé j'ai divisé ça en deux rubriques. Donc ce qui est provisoire, c'est-à-dire ce qui vous permet d'avoir à manger pendant un certain nombre d'années, mais qui n'est pas une solution définitive. Les postes d'alternance, on en a déjà un petit peu parlé. Donc avantage. Vous êtes dans une université, dans un cadre universitaire, vous avez un peu de temps pour vous faites des cours, vous faites vos preuves, et en même temps, vous avez quand même du temps pour faire de la recherche. Autre avantage non négligeable, vous savez comment sont recrutés les gens dans les universités françaises. Vous arrivez devant un jury, vous avez 7 ou 8 personnes, vous êtes auditionné, ça dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'on recrute une personne pour toute sa carrière sur une audition qui dure 10 à 20 minutes. C'est évidemment une absurdité. Comment est-ce qu'on tourne autour ? Comment est-ce qu'on contourne cette absurdité ? On contourne par ce qui est par les réseaux de sociabilité, par le fait qu'on connaît telle ou telle personne, on connaît son travail, on connaît sa personnalité aussi. Donc un poste d'ATS, c'est quelque chose qui vous permet d'être dans une université et vous faire connaître dans cette université. On sait que, machin, il a été là pendant un an, ouais, il faisait des bons cours, il s'occupait des étudiants, il répondait à leurs questions, il corrigeait bien les copies, il allait aux réunions, il était sympa, etc., etc. Un poste d'ATS, c'est aussi quelque chose qui vous permet de faire connaître dans une université, dans un cadre bien donné. Et c'est souvent, on ne recrute pas seulement le poste d'ATS, enfin, il faut comprendre aussi la logique des recruteurs. C'est très frustrant. Quand on arrivait, moi j'ai fait des candidatures, j'arrivais dans des universités, j'avais l'impression que tout était joué d'avance parce qu'il y avait machin, j'étais déjà dans la place depuis un certain nombre d'années. Bon, c'est injuste, parce que machin, pas forcément meilleur que vous, vous aurez peut-être moins que vous, mais c'est humain, c'est compréhensible. Que les gens qui vont recruter, ils ont envie d'avoir un collègue qui soit un sympa, un collègue qui travaille, qui partage les charges administratives. C'est quand même le travail des postes universitaires, une partie du travail administratif, généralement, c'est pas ce que tout le monde adore faire. Hein. C'est des trucs qui sont pas toujours très marrants. Et donc, si vous avez recruté quelqu'un, vous avez envie d'avoir quelqu'un pour vous recruter, vous êtes comme vous le connaissez un peu, vous dites bon bah lui il va pas nous sauver, il va faire sa part de travail ingrat, il va vraiment s'intégrer dans l'équipe, etc. Donc se faire connaître, c'est aussi pour ça, d'accord? C'est parce que contrairement aux universités anglo-saxonnes, vous allez pour être recruté, vous faites un séjour pratiquement de, je ne sais pas, 3-4 jours dans l'université, vous rencontrez les gens, vous mangez avec les chercheurs, vous faites plusieurs leçons, vous donnez des exemples de leçons que vous feriez vis-à-vis des étudiants, donc vous pouvez faire vos preuves. Si vous venez complètement de l'extérieur, vous pouvez faire vos preuves. En France, du fait du mode de recrutement, c'est pratiquement impossible. Donc, un poste d'ATS, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui vous permet d'être bien connu dans un endroit. Donc, surtout pas négliger ça. Les postdocs, c'est un peu pareil, à ceci près que les postdocs, vous êtes normalement, pratiquement dans la plupart des cas, vous êtes beaucoup plus orienté vers la recherche, vous avez beaucoup plus de temps, vous faites des dossiers de postdocs, vous allez être jugé sur un projet de recherche, généralement. C'est-à-dire, vous dites, bon, voilà, pendant ces 2 années de postdoc dans l'université de machin, je veux publier mon livre, je veux m'orienter vers cette nouvelle voie de recherche, je veux publier tel nombre d'articles, etc., etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus orienté vers la recherche. Le postdoc, donc, c'est... De ce point de vue-là, c'est quand même c'est quand même une bonne option dans la mesure où ça vous permet d'être actif du point de vue de la recherche, ça vous permet de publier, ça vous permet de ne pas être dévoré par un enseignement ou par le travail administratif. Ou, autre variante, par du travail qui ne concerne pas directement votre projet de recherche, vos propres travaux. Ça, c'est le problème de certains appels d'offres pour faire partie d'un projet. Faire partie d'un projet qui n'est pas directement dans la lignée de votre travail. Bon, ça fait, vous faites la preuve de votre grande ouverture d'esprit. Vous allez éventuellement publier des choses, allez connaître des gens, etc. Mais ça peut être un peu pénalisant sur le niveau des publications, au niveau de ce que vous allez produire. Alors que le postdoc, généralement, vous avez quand même une certaine liberté de candidater. D'autre part, oui. Y a-t-il une charge d'enseignement sur un postdoc? Je vais peut-être être contredit dans les 10 secondes qui suivent, mais généralement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enseignement dans les postdocs qui sont proposés. Bon, alors, par contre, là, ce que je peux dire, c'est que les postdocs sont de plus en plus demandés. Donc, c'est devenu, entre le moment où je suis rentré en thèse et le moment et maintenant, qui est une bonne douzaine d'années, les postdocs c'était quelque chose qui était en 2000, hein, j'ai commencé ma thèse en 2000, les postdocs c'était quelque chose qui était vu comme très scientifique, très science dure, et maintenant c'est devenu par la norme, c'est devenu une pratique très courante et assez valorisée avec les sciences humaines. Avec un dilemme quand même, en ce qui concerne les postdocs, c'est étranger ou pas étranger. Avantage de l'étranger, généralement c'est une expérience super intéressante. Vous êtes à une période de votre vie où vous avez encore généralement un peu de. Si vous sortez de la thèse, vous avez encore, disons, une certaine liberté d'un point de vue familial, d'un point de vue privé. Donc vous pouvez partir à l'étranger relativement plus facilement. Ça vous permet de connaître un monde académique différent, un pays différent, une langue différente. Je vais vous faire un réseau, enfin, un formidable problème. Loin des yeux, loin du cœur, pour le recrutement en France. Vous avez un recrutement en France. Moi, je suis parti 2 ans au Japon. Je suis revenu, tout le monde m'a dit de qui vous êtes, vous déjà, université de province, première boulette. Deuxième boulette, partir 2 ans au Japon, formidable. Mais arriver ici, en France, jamais entendu parler de vous. Très bien, très intéressant. Donc c'est une arme à double tranchant. Il faut, si vous êtes à l'étranger, il faut publier en français, en France aussi, pour vous faire connaître. Si vous visez un recrutement en France, si vous partez aux États-Unis parce que vous voulez être recruté aux États-Unis, complètement différent, évidemment. Là, dans ce cas-là, vous êtes à fond du noyautage aux États-Unis, publier en anglais, dans les langues américaines, etc. Si vous voulez faire un postdoc en Allemagne, vous voulez être recruté en Allemagne, même combat, évidemment. Si vous recrutez en étranger, en disant ça va m'aider pour être recruté en France, là, il faut prendre beaucoup de précautions. Il ne faut pas couper les liens avec la France, revenir en France pour les candidatures au CNRS, pour les maîtres de conf, etc. Conserver des liens par email avec les gens. Vous connaissez, continuez à entretenir votre réseau, d'accord ? Ne pas partir dans un splendide isolement, parce qu'après vous allez revenir, ça va être la catastrophe. Et si votre dossier sera plus fort en théorie parce que vous êtes parti échanger, en réalité, vous aurez des problèmes à vous insérer. Les bourses, bon, bah, ça c'est un petit peu aussi, ça peut être des bourses sur un certain projet, c'est un petit peu l'équivalent d'un postdoc, sauf aux bourses, il n'y a pas cette idée nécessairement d'être implanté dans une université bien spécifique. Bon, ANR, j'en ai déjà dit un mot. Et là, bon, après, l'enjeu, si vous voulez faire une carrière dans l'enseignement-chercheur, trouver un poste. Et là, bon, il y a 3-4 possibilités. Notre conférence, donc ça, c'est ce que tout le monde connaît plus ou moins bien. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, passer l'étape dite de la qualification, dans laquelle un jury national va avoir des dossiers qui vont arriver, qui vont être dossiers de tous les gens qui veulent candidater dans le futur dans les postes de maître de conférence. Donc, selon les disciplines, alors là, je dirais qu'en histoire, on rejette un dossier sur deux, voire même un peu moins au niveau de la qualification, sachant qu'on peut recandidater l'année suivante. Après, les disciplines, on est plus sélectif. C'est déjà beaucoup. Non, mais je veux bien croire que ce soit complètement vrai, j'ai aucune information, mais ça me paraît bien. Il y a des stades quelqu'un ouvert. Il y a des stades de la qualification là-dedans. Mais c'est quand même très sélectif. Il y a quand même pas mal de tests. Oh, l'histoire, il n'a pas revu encore. Ouais. Ah ouais. Ça peut être ça. En tout cas, par contre, c'est sûr, c'est que c'est quand même pas le plus difficile. Avoir la qualification, c'est pas du tout le plus difficile. Il faut pas, quand vous êtes qualifié, il ne faut pas sauter au plafond parce que c'est vraiment que la première étape. Et par contre, dans le calendrier, c'est super important. Il ne faut pas louper l'étape de la qualification, sinon vous êtes marron, vous ne pouvez pas candidater pour le poste de maître de conf. Donc là, il faut bien vous tenir au courant de Galaxy et tous ces trucs-là, être bien au courant. chargé de recherche au CNRS, c'est alors donc les maîtres de conférence. Donc voilà, vous êtes qualifié, très bien. Vous recevez un joli message, vous êtes qualifié. Après, il faut candidater dans les différents postes de maître de conférence. Ça a peut-être changé là, mais à mon époque, il fallait candidater dans chaque université. Non, d'accord, c'est toujours le cas. Donc vous avez un poste dans telle université qui est publié. Par exemple, spécialiste de l'histoire de l'Europe. Voilà. Tel 19e, 20e siècle. Très bien. Spécialiste de, enfin, après, un poste à côté, c'est de l'histoire de la péninsule ibérique. Bon, si vous avez fait une thèse sur l'Espagne, candidatez aux deux, surtout aux deux, d'accord ? Pas juste à votre domaine de spécialité bien proche. Dès que c'est quelque chose qui a un rapport un petit peu avec votre domaine de spécialité, vous candidatez. Ça ne vous coûte rien. Zéro paperasse, c'est informatisé, hein. Vous avez l'université reçoit à chaque fois le même projet, le même CV, etc. Donc c'est juste des cases à cliquer. Donc n'hésitez pas à multiplier les candidatures. Contrairement aux postes à terre, où à mon époque il fallait envoyer ta paperasserie, mais ça c'était terminé. Pour les candidatures des maîtres de conf, là vous pouvez multiplier les candidatures. Après, bon, vous faites vos arbitrages en fonction de l'endroit où vous habitez. Si vous avez des racines en telle région, vous ne pouvez pas aller au bout de la France, là vous appelez l'université en question. Mais bon, dans la mesure de vos choix personnels, essayez de ratisser le plus large possible. Et après, l'audition, c'est le conseil que j'ai donné pour la soutenance de thèse sont valables, avec des nuances supplémentaires, enfin avec des éléments supplémentaires. Ça doit se préparer, mais vraiment très sérieusement. Ça doit se préparer très sérieusement. N'ayez surtout pas l'air de découvrir l'université où vous arrivez, faire un entretien, quand vous êtes le jour de l'audition. Alors ça, c'est rédhibitoire. La concurrence est féroce sur un poste de ça. Le moindre élément qui permet de mettre un dossier de côté, il va jouer contre vous, là, d'accord ? Généralement, il n'y a pas de... Dans un poste de maître, il y a rarement un dossier qui tranche beaucoup par rapport aux autres. On va sélectionner vraiment sur des détails, sur des points extrêmement ténus. Donc, on va vous interroger, par exemple, la question typique. Comment allez-vous vous intégrer dans les axes de recherche de votre équipe ? Alors ça, si jamais vous n'avez même pas regardé qu'est-ce qu'il y a comme axe de recherche et que vous répondez en noyant le poisson, ça y est, c'est fini, vous êtes éliminé de la course. Donc, ça se prépare, et ça se prépare avec l'aide de personnes qui ont une certaine expérience des concours de recrutement des universités, donc des maîtres de conférence, des gens qui ont siégé dans des commissions. Éventuellement, si vous avez gardé de bons contacts, c'est une bonne idée de garder de bons contacts avec son directeur de thèse, si vous avez gardé de bons contacts avec le directeur de thèse, qui peut vous aider. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui se travaille, hein, d'accord. Ça peut être un peu casse-pied parce qu'il faut se renseigner sur plein d'universités si vous êtes sélectionné dans plein d'endroits, mais c'est vraiment un investissement qui n'est pas utile, mais indispensable. Et c'est un peu frustrant, c'est tellement court et vous devez être tellement succinct que vous avez l'impression de ne pas être jugé à votre vraie valeur. Enfin, il faut passer par les règles du jeu. Chargé de recherche au CNRS, c'est très différent. Le recrutement est centralisé, donc là, au niveau national. Et vous n'allez pas être auditionné. Si vous candidatez dans différents labos du CNRS, à Brest, Lille, Paris, Marseille, vous n'allez pas être auditionné. C'est différent. Vous allez candidater au CNRS, indiquer des laboratoires dans lesquels vous allez souhaiter être nommé. Généralement, à mon époque, il y avait deux choix. La grande différence, c'est qu'il y aura une audition pour tout le monde, à moins que ça ait encore changé, non ? Ça n'a pas changé, apparemment. Une audition pour tout le monde, donc, qui se passe à Paris au mois de mai, généralement, si vous êtes à l'étranger, il faut pouvoir vous venir. Et cette audition, donc là, il faut encore une fois la préparer à fond, mais tout ce qui est la grande différence avec les postes de maître de conférence, c'est que votre travail, vous êtes jugé sur un dossier, un projet de recherche, pardon. Un projet de recherche qui doit être nickel, qui doit être ciselé avec amour pendant des semaines et des semaines, pour que ce soit à la fois neuf, bien écrit, bien construit, que ça donne l'impression que vous n'êtes pas en train de, que vous n'allez pas pendant toute votre carrière au CNRS republier sur le même sujet super limité qui était celui de votre thèse, mais que vous allez vous ouvrir à quelque chose de vraiment nouveau, qui doit être donc un dossier. Il y a des conseils sur Internet, il y a Claire Lemercier qui a écrit une espèce de manuel de la rédaction du projet de recherche au CNRS. Claire Lemercier, comme ça se prononce, et vous trouvez ça sur Internet très facilement. Et donc, mais c'est un travail, ça dépend peut-être des gens, mais c'est beaucoup de travail à réaliser un projet de recherche au CNRS. C'est quelque chose de très casse-pied, qui prend beaucoup de temps, il faut commencer longtemps à l'avance. D'accord ? Mais si vous êtes dans certaines disciplines, malheureusement, il y a très peu de postes de maître de conf, enfin, parce que c'était mon cas. Dans mon cas, l'histoire de la Chine, les universités françaises ne recrutent pas les spécialistes de la Chine, pratiquement pas, sauf les départements de langue. On recrute, c'est le smart. Pour compenser cette insuffisance, c'est le CNRS qui offre des postes beaucoup plus volontiers que les spécialistes de la Chine. On pense en quelque sorte qu'on se retrouve en France pas qu'avec les spécialistes de l'histoire de France et de l'Europe. Donc ça dépend des spécialités, mais dans certains cas, le CNRS est un peu la seule planche de salut. Donc raison de plus pour vraiment candidater de manière avec une candidature qui soit nickel. Et de même, minutage parfait de l'intervention orale. L'intervention orale est très importante aussi. Il y a une concurrence monstrueuse pour le CNRS. Donc encore une fois, si vous ratez l'oral, vous allez être mis de côté, même si votre dossier est absolument excellent. Les postes à l'étranger, ça dépend de votre vie, de ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez vivre en France, partir à l'étranger quelques années pour revenir, ou alors vous avez envie de partir à l'étranger, partez. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que les pays, l'aspect candidature locale est légèrement moins important dans les pays anglo-saxons qu'elle ne l'est en France. On est recruté sur des critères, je pense, un tout petit peu plus objectifs, en particulier aux États-Unis. C'est peut-être l'impression que j'ai en voyant ça de loin, mais je connais quand même pas mal d'exemples de chercheurs français qui ont été recrutés dans des universités américaines dans lesquelles ils n'étaient pas spécialement implantés. Mais bon, comme tous les autres, ça se travaille, encore une fois, et comme je vous l'ai dit, renseignez-vous bien sur l'université, renseignez-vous bien sur ce qu'on va vous demander pendant que vous serez auditionné. C'est des choses beaucoup plus complexes qu'en France. Les auditions, c'est une espèce de mise en examen sur plusieurs jours. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien, que vous ne découvriez pas comme ça en étant dans l'urgence. Après, il y a bon tout ce qui est autre, le monde. Ouvert dans l'administration, dans les entreprises, on peut recruter des gens. Ça dépend vraiment de votre spécialité. Il y a des gens qui ont des postes, qui font des thèses sur des sujets qui peuvent être proches de l'urbanisme, par exemple, qui peuvent peut-être trouver à s'embaucher dans ces domaines-là. Après, il y a toute une panoplie, et là, on ne peut pas vraiment généraliser tellement la diplomatie aussi, qui peut être intéressante pour un certain nombre de spécialistes de sciences humaines. Et donc, de ce point de vue-là, conserver aussi bien en mémoire cette possibilité avec des associations comme l'ex-association Bernard Grégory qui s'appelle Intelligence, Intelligence, qui peut aider là pour le coup. C'est vraiment effectivement leur credo, c'est ouvrir les possibilités des possibilités extra-académiques aux doctorants. Et donc de ce point de vue-là, ils peuvent avoir une aide utile. La règle d'or, et je terminerai là-dessus pour laisser un petit peu de temps pour les questions. La règle d'or, c'est anticiper. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est très frustrant quand vous êtes en train de rédiger votre thèse, par exemple, que vous êtes pris par le temps et que vous devez rédiger des dossiers de postdoc, et que vous devez rédiger des dossiers de bourse, et que vous devez faire ça. Mais il faut le faire, parce que la très mauvaise tactique, et ça, il y a quand même pas mal d'exemples, c'est de se dire je finis ma thèse, je soutiens ma thèse, je lève ma thèse, je regarde, et qu'est-ce que j'ai pour l'année qui arrive ? Rien. Simplement parce qu'on est resté, on a été trop le nez dans la thèse. Donc, anticiper, toujours avoir bien une vision bien claire des échéances à venir, parce que les dates de candidature sont souvent très en avant. Si vous êtes parti pour un postdoc, eh bien, ça se passe pratiquement un an avant la date effective où vous prendrez votre avion pour aller à tel endroit. Si vous, pareil pour une bourse, il faut vraiment avoir anticiper toujours bien à l'avance de ce qui va se passer. Alors là, c'est vraiment radical. Et le corrélaire de ça, rien n'est jamais certain, rien n'est jamais sûr. Diversifiez au maximum les options. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous avez très envie de faire un postdoc dans telle université, vous avez déjà des bons contacts dans cette université, ça vous inciterait peut-être à ne faire qu'une candidature dans cette université. Et ce serait une grave erreur. Il faut toujours garder le maximum d'options possibles. Encore une fois, c'est très embêtant parce que c'est très chronophage d'assurer d'essayer d'assurer des postes, même provisoires, des postes, etc. Et c'est vraiment, vraiment indispensable. D'abord parce que financièrement, c'est quelque chose qui vous permet de survivre, mais aussi parce que ça permet de préparer votre recrutement après. Donc, gardez toujours le maximum d'options, sinon vous allez vous en mordre les doigts. Voilà, donc je crois que je suis arrivé au bout du truc. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour les questions. Oui, je voulais savoir, est-ce que dans l'absolu, quand on a le choix, entre guillemets, le luxe de pouvoir choisir, est-ce qu'un universitaire préparerait mieux à des candidatures au maître de conférence, tandis qu'un postdoc préparerait mieux à des candidatures au CNRS, dans la mesure où le postdoc permettrait de publier sans être encombré par une charge d'enseignement, alors que celui de la thèse, c'est l'inverse. C'est vrai, mais par exemple, un postdoc n'est pas rédhibitoire pour un maître de conférence si vous avez déjà une bonne expérience d'enseignement. Déjà des l'enseignement dans pendant votre thèse ou déjà un inter, vous avez on sait que vous savez faire ça. Ça va peu faire une agrégation, c'est l'outil, je vais parler de ça. Donc ils ont une certaine garantie offerte par ça, qui fait qu'on ne sait pas très bien ce que ça. Donc après pour le CNRS, les expériences d'enseignement ne comptent pas. Donc là, post-doc, ou pas trop. Je pense pas du tout. Parce qu'on ne vous demandera pas d'enseigner si vous êtes CNRS. Bon, je ne dirais pas que ça fait pas de mal, mais je pense que c'est très très très secondaire. C'est secondaire partout, même pour le CNU. Il y a des sections qui ne donnent même pas de nombre. Il y en a qui disent, en sciences politiques par exemple, ils disent, étant donné le peu de possibilités offertes aux doctorants, on considère même plus les heures d'enseignement. Est-ce qu'il faudra finir la soutenance pour pouvoir poster les postes que vous avez expliqués? Comment on peut faire avant la... Beaucoup de choses qui se passent avant la soutenance. Quand vous avez des postes, je vous l'ai dit, des postes de post-doc, par définition, c'est après le doctorat, et il faut commencer pendant le doctorat à prospecter. Moi, j'avoue que très bien que c'était au milieu de la soutenance, enfin, au milieu de la rédaction, finant la rédaction, que je me coltinais les demandes de post-doc. Donc, il y a des choses, effectivement, qui sont pendant la rédaction. D'autant qu'un poste d'affaires, ça permet aussi de faire le relais avec la fin d'un financement qui peut durer 2-3 ans. Oui, 7 ans. 31 mois, 37 ans. Ces postes à terre, les catamoniteurs sont profilés le 1er septembre, 31 mai, effectivement ça s'enchaîne. Et quels sont les critères de sélection des dossiers pour un poste à terre? Est-ce que la diversification des cours de télédonnées compte? Ah, ça, j'ai jamais été dans un jury de la terre, je ne peux pas le dire, si quelqu'un a des lumières. De réputation, c'est des recrutements extrêmement locaux qui se jouent avant même que les postes soient mis au concours. C'est des postes à moustache, vraiment, au premier sens du terme. Maintenant, ça arrive qu'on en chope un, mais... Une expérience qui m'a permis. C'est des demi à terre, en plus, de plus en plus. Hein. C'est ça. Pas mal. Oui, c'est des demi à terre, mais payer 60%. Oui, j'ai oublié. C'est plutôt pas mal, un demi à terre, pour en avoir bénéficié. Demi à terre, ça veut dire moitié d'enseignement, moitié charge d'enseignement réduit de moitié, mais ça a l'air de 75%. À terre quand tu plais, charge pleine d'enseignement 100%. Donc en fait, il y a pas mal d'endroits qui gagnent. Mais alors, pose à terre, ma théorie de faire connaître s'applique aux poses à terre. Moi, j'ai eu. Cette année-là, j'avais envoyé des CV d'affaires de toute la France. Et il y a des gens de Paris 13, en la rentrée 2007, qui sont venus me voir en me disant oh, votre dossier était pas mal et tout, on avait quelqu'un déjà sur place, mais c'était vraiment un bon dossier, je ne connaissais pas tous ces gens-là. Résultat, l'année suivante, j'ai dit candidataire à Paris 13, et j'ai dit candidataire à Paris 13. Donc, un candidataire, des candidatures, ça permet aussi de se faire connaître, et ça peut être précieux de se faire connaître, même si ça ne débouche pas immédiatement sur un résultat. Et c'est pareil pour les postes de maître de compte. Dans les dossiers d'affaires, ils vont repasser les candidatures, et ils peuvent retenir éventuellement un petit machin, même s'il n'est pas fini, si on ne va pas le prendre, bon, lui il travaille sur ci, lui il travaille pour ça, c'est pas du tout inutile. Une question, est-ce qu'on peut. Non, souvent on fait le poste d'affaires dans l'université, vous avez déjà répété. Est-ce que c'est pour le postdoc, il me semble qu'on ne peut pas être dans le même labo? Oui, on ne peut pas être dans le même labo. Il faut absolument faire un postdoc ailleurs. C'est quand le labo n'a pas le droit de recruter en tant que postdoctorant des gens qu'il a eus en tant que doctorant. Je ne pense pas. Voilà. Ça ne ferait pas du tout sens parce que l'essence même du postdoc, c'est d'aller voir comment ça se passe. Pour revenir sur la question du recrutement en tant qu'alter, moi j'étais donc recrutée en tant qu'alter à Paris 8, donc pas à l'endroit où je faisais mon doctorat, parce que c'est là où je faisais. Et en fait, l'année d'avant, j'avais accepté une charge de cours. Alors les charges de cours, c'est un autre statut beaucoup moins intéressant financièrement, d'autant plus que les trajets ne sont pas remboursés. J'ai dépensé plus d'argent en avion que je n'ai gagné 2 ans et demi après, parce qu'on a payé beaucoup plus tard. Quand on m'a proposé la charge de cours en question, qui était intéressante pour mon domaine de recherche, j'ai appelé les gens de Paris 8 que je connaissais en leur disant « qu'est-ce que tu en penses ?» Est-ce que je dois accepter? Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que moi, je voulais vraiment enseigner et que j'étais prête à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Et l'année d'après, ils m'ont embauché en tant qu'alter. Donc après une année de sacrifices, mais où j'avais aussi, d'une certaine façon, parce que très sincèrement, je me posais la question et j'avais besoin qu'on m'aide à prendre une décision, mais c'était aussi une façon de faire savoir que moi j'avais besoin de ce type de poste, que je ne le trouverais jamais à l'OHSS, et que j'avais besoin que les autres universités où j'avais des contacts, des interlocuteurs intellectuels, se saisissent de mon cas aussi comme de leur propre doctorat. Donc ça peut être aussi des chemins détournés comme ça, qui font que les gens se rendent compte qu'il y a un désir, une énergie, un besoin aussi. Vous avez parlé de l'université de province comme une boulette. Non ? Ah oui, comme ça. On n'a pas. Oui, c'était énorme de jeunesse. Non, mais c'est très bien. C'est simplement, les recrutements dans mon domaine d'agilité se passent sur Paris, majoritairement. Et donc, elle est en partie en province, bah, personne ne me connaissait à Paris après la thèse. Oui, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose, dans la mesure où la province peut être un moyen d'avoir une allocation ? Plutôt que Paris, comme l'université parisienne est plus prestigieuse. C'est exactement la raison pour laquelle je suis parti. Voilà. Mais donc après, ça veut dire qu'il faut faire un effort particulier probablement pour venir à des colloques à Paris, pour saluer des profs, pour suivre des séminaires. Mais je ne pense pas que ce soit rédhibitoire en soi. Si ? Non. Enfin, rédhibitoire, c'est jamais rédhibitoire, mais je veux dire... C'est comme ça que je l'ai ressenti au moment où j'ai cherché à faire des mais vous voyez, ça s'est résolu, parce que j'étais revenu à Paris au bout de 5 ans après ma vie. Donc, simplement, effectivement, c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte quand j'avais fait mes arbitrages. Donc moi, je suis en Master 2, en fait, et donc la question que je me pose, c'est, donc je suis en lettres modernes, sciences genre et études postcoloniales, donc j'ai fait aussi un peu de sociologie comme ça à Paris, et je suis en les 3. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je... À mon avis, pour moi, ce serait de candidater dès cette année un certain nombre d'allocations, de voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, de faire une agrègue interne. Est-ce que je peux passer l'interne ? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je d'emblée, j'essaie l'agrègue pour peut-être être... pour une allocation dans une meilleure université. Je n'ai pas trouvé le rapport avec la parce qu'en lettres, s'il n'y a pas d'agrègue, c'est difficile d'avoir une allocation, c'est difficile d'être recruté, etc. Mais c'est la même chose sur l'histoire province ou Paris. Et c'est-à-dire, est-ce que s'il y a une allocation, donc, à mon avis, la saisir tout de suite, parce que le train ne passe pas toujours deux fois. Et là, j'aurais tendance à vous dire ça quand même. Ouais. Si ça marche, ça marche. La même chose. Enfin, je suis venue à Paris en septembre. Je déménage en ce moment, etc. Au départ, je faisais plus un laboratoire à Chambéry. Je viens pas de milieu universitaire, donc j'ai découvert un peu tout ce milieu-là, etc. Et en fait, j'ai découvert à posteriori qu'il y avait des bourses qui s'appellent un Renat Pignon, qui s'appelle l'ARC. Et par secteur, il y en a 5, 6 ou 7. Et c'est des bourses qui sont hyper précieuses parce qu'elles permettent d'être exclusivement justement appliquées à sa thèse, de ne pas travailler et d'être liées à des corps privés et publics. Donc dans mon cas où je traite des organisations professionnelles, c'était juste parfait. Et puis ben, en voulant peut-être prétendre à cette bourse en arrivant sur Paris, je me suis rendu compte qu'il fallait de toute façon que ça appliquait à l'université Rhône-Alpes. Et donc je suis passée à côté d'une super bourse. Et ici, ben, en sciences humaines, c'est difficile d'avoir des bourses, parce qu'on en a très très peu. Et... Enfin, je pense que ça peut être un critère déterminant pour la suite. Concernant, on n'aura pas de bourses à faire. C'était déjà très bien d'avoir. La première priorité, c'est d'avoir une bourse d'allocation. Et pour ça, normalement, c'est quand même forcément un peu plus facile. Et ça dépend. Il y a quand même certaines institutions qui luttent contre l'endogamie, notamment celle qu'on est actuellement, et pour qui c'est différent. Il y a des fois, je pense que ça joue aussi d'aller en province. Je connais pas mal de chercheurs qui ont été recrutés ici, peut-être pas parce qu'ils ont été en province, mais ça fait du bien, je pense, à tout le monde de sortir un petit peu de l'exogamie parisienne, de l'endogamie parisienne. Enfin, il faut. C'est tellement difficile, hein, je ne sais pas comment on peut se permettre de choisir, même en fait. Que ce soit en province à Paris ou dans un autre pays ou à l'étranger, dès qu'il y a un truc qui passe. J'ai l'impression que c'est moins une question de choix qu'une question de conscience du fait que même les opportunités ont parfois leur revers. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qu'il faut entendre. Voilà. C'est plutôt ça. Il faut essayer de les limiter au maximum. Voilà, il y a la conscience. Voilà. À part d'un point de vue. peu, c'est plus une question par rapport à la pluridisciplinarité. Enfin, moi je ne m'inscris pas dans une discipline spécifique. Je trouve que c'est pas forcément facile à porter. Parce que notamment en termes des thèses, la première question qu'on pose c'est dans quelle discipline est-ce que tu fais ta thèse. Et je me demande en quelle mesure c'est rédhibitoire aussi à l'embauche après la thèse vis-à-vis de certains. Alors je ne vise pas forcément des postes de maître de conférence, mais même par rapport à certains instituts de recherche. Excellente question. Mais d'un point de vue administratif, vous n'êtes pas obligé d'avoir une discipline de rattachement. Il y a une mention sur le la diplôme de thèse est inscrit dans une formation. Je sais que moi, AgroParisTech, par exemple, c'est un diplôme d'AgroParisTech. Oui. Enfin, Abies se veut une multidisciplinaire, par exemple. Et donc, il n'y a pas, véritablement de discipline d'inscription de la thèse. Et c'est aussi en termes de contenu, le fait d'aller chercher dans différentes disciplines. Du coup, aussi d'avoir un jury multidisciplinaire avec plus de risques. D'avoir justement ces remarques de Non, mais c'est à double tranchant parce que vous ouvrez vos horizons de recrutement. Parce que quand on a fait une thèse d'histoire, de sociologie, on peut candidater à des postes anthropologiques, en anthropologie, choses comme ça. C'est une chose qui est relativement peu connue, mais c'est ouvert pour les postes de conférence en vous. Vous avez une thèse très pluridisciplinaire, ça ouvre un horizon. Envers de la médaille, évidemment, c'est qu'il y a certaines disciplines où il faut avoir fait ses preuves dans la discipline propre, comme on dit, il faut avoir fait des choix de chapelle, même dans la discipline propre, comme on dit. Donc ça peut jouer au contraire contre vous. Mais bon, là, je ne sais pas si vous pouvez. Là, je peux peut-être répondre à Mathilde aussi. Moi, pareil, j'ai été déçue, mais à un moment, puis je reviens pour cette thèse. Et en fait, donc, j'ai un CV, j'ai travaillé pendant 2 ans. Dans des métiers qui sont plus ou moins liés à mon sujet de thèse et totalement éloignés de ma discipline puisque je fais un sujet sur les réseaux sociaux d'entreprise et par rapport aux directeurs de thèse que j'ai voulu choisir, je suis censée en philosophie absolument sur le dossier d'inscription à l'école électorale en disant mes disciplines. Moi je voulais écrire sociologie numérique, c'est que mon directeur de thèse étant à l'école à Paris Descartes, professeur de philosophie et d'éthique, etc., je devais inscrire philosophie parce qu'il est reconnu comme étant. Donc c'est hyper ambivalent, au début c'est hyper frustrant parce qu'on dit mais moi je vais faire de la philosophie, et en fait ça ouvre des champs effectivement pour un corps hyper intéressant pour ce travail de recherche. Et derrière ça, ce que j'ai demandé, je me suis renseignée pour les postes d'ATL et les chargés de cours aussi, ce qui est intéressant c'est aussi les compétences que tu as, soit par l'expérience professionnelle, soit par les disciplines que tu as toi étudiées au cours de ton études universitaires. Si tu as réussi un master, je crois que les disciplines que tu es qualifié parce que tu es diplômé. Tu as le droit de valoriser en fait sur les licences 1, les licences 2, si je n'ai même plus. Et puis après, au fil des années, place que tu auras à ta charge. Et après, il y a aussi le fait de s'intéresser. On n'a pas parlé ce soir, mais je pense que c'est intéressant de diffuser l'idée. Il y a aussi les écoles privées de BTS, de marketing, de communication, de sciences à appliquer, etc. Il manque aussi un peu de prof, c'est pas forcément très bien payé, mais c'est aussi. On a eu un atelier à l'école doctorale de Paris Descartes, on nous a confortablement aidé que c'est aussi des voies sympathiques d'enseignement et qui permet justement d'être complètement homogène, d'ouvrir un peu des cas, des jours de compétences et de connaissances à d'autres secteurs. J'ai été contacté par une école de manga pour enseigner l'histoire. Moi, je me méfierais de la pluridisciplinarité, quand même. C'est un gros risque. Parce que le problème n'est pas l'intitulé, le problème n'est pas de savoir. Moi aussi, j'étais avec une anthropologue, en co-tutelle avec des sociologues qui sont dans le pays où j'étais, sociologie et sciences politiques, c'est quasiment la même discipline. J'étais inscrit ici dans la formation doctorale territoire société développement. Puis finalement, j'étais diplômé en sociologie. C'est pas l'intitulé, le problème c'est le contenu de ce qu'on fait. C'est les auteurs qu'on sollicite. Si tu dis que tu fais de la sociologie et qu'il n'y a pas de terrain, ça va coincer au niveau du recrutement. Voilà, ce genre de choses. Donc, après, c'est se contraindre à des références. Moi, sur mon mémoire, j'avais très peu de références sociologiques. Et par contre, beaucoup de références sociologiques et managériales. Et il a fallu que je fasse un projet de thèse pour m'inscrire à l'école. Il fallait pas que je pense des références philosophiques. Et c'est hyper dur. Enfin, après, moi, je ne viens pas du système à l'académie, donc c'est encore plus dur parce que ben, il y a cette contrainte-là, et du coup, c'est frustrant en ce sens. Et je pense que la pluridisciplinarité, c'est quand même un truc qui est au contraire à défendre, parce qu'en plus, ça ouvre le champ de la recherche à des choses qui sont. Des fois, on passe à côté des choses, pas parce qu'on ne sait pas où on va. Oui, non, mais il y a ce qu'on aimerait bien que ce soit, et puis il y a quand tu es face à un comité qui recrute des sociologues et pas des pluridisciplinaires. Donc c'est un constat de réalité qu'il faut faire. C'est bien gentil de dire je vais mourir, mais derrière on n'est pas remonté. C'est pragmatique. Ah oui, tout à fait. Mais il y a un papier là-dessus hein, de Christian Comelio sur la pluridisciplinarité, justement, qui a la réputation d'être amateuriste, en fait, hein, la pluridisciplinarité. C'est les gens qui ne veulent pas choisir, ils font un peu de tout. Alors c'est très dommage, je suis d'accord, il faudrait s'ouvrir, c'est très bien, l'objectif scientifique, philosophique est chouette. Mais c'est un sacré risque. Être sur deux sections, ouais, c'est bien, on est tout le temps 19, 20. Donc la section socio-démo, puis la section préhistoire, anthropologie, ouais, ça passe, mais bon, après, c'est difficile, quoi. Histoire, c'est déjà, bon, il y a plusieurs sections pour histoire, mais la section 04, Sciences Po, c'est déjà un peu compliqué, on peut pas y aller si on ne connaît pas, s'il n'y a pas, je crois, dans le jury de la thèse, quelqu'un qui est membre de la section, même pas politologue, mais membre de la section. Donc méfiance avec la pluridisciplinarité. Il faut en tout cas avoir une étiquette très claire, et il faut d'avoir aussi. Effectivement, on peut se dire aussi que c'est des choses qui vont évoluer, c'est-à-dire que aussi si on fait des travaux hyper sérieux, hyper intéressants et qu'on défend et qu'on mobilise des travaux interdisciplinaires, enfin, je pense aussi que ces représentations-là, elles sont toujours en mouvement. Donc c'est aussi nous qui les faisons bouger en valorisant des choses. Mais en revanche, il faut être conscient de ces difficultés-là parce qu'effectivement, on entend souvent ça, y compris pour les éditions d'éditeurs qui sont encore plus frileux si c'est à la fois les deux parce qu'ils ont parti pour aucun des deux et que finalement aucune bibliothèque universitaire se sent concernée. C'est manifestement peut-être encore plus d'embûches. On peut décider que le chemin vaut la chandelle. Ici. Merci à Xavier, merci à toi. Et juste une chose, Sébastien m'a fait remarquer que j'avais fait une erreur de débutante en vous disant de mettre votre adresse email dans le cahier. En fait, c'est pas ça qui compte pour s'inscrire à la liste, c'est de passer par le carnet hypothèse et de s'inscrire. Là, vous avez le lien pour vous inscrire sur la liste de diffusion sympa. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Prochaine séance, je crois, le 16 janvier, si je dis pas de bêtises, ça qui est à la publication dans les revues et au rapport avec les relecteurs. Donc voilà, si vous êtes abonné à la liste, vous le saurez.